Le comité syrien à la mémoire du grand dirigeant Kim Jong-il est constitué le 9 courant. Il a fixé l'espace du 10 novembre au 17 décembre comme période de souvenir et décidé d'organiser la campagne de presse et diverses cérémonies politico-culturelles à l'éloge de la vie révolutionnaire sacrée et des exploits immortels du général Kim Jong-il.